18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Vous êtes sur Croc Radio 89.5 FM et aujourd'hui une émission entièrement consacrée à l'art du mix par toute l'équipe de Convergence. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre Mixcloud et bien sûr en streaming sur l'émission, le site internet de Croc Radio. Et c'est parti pour une heure de mix. On y va. Thank you.

Eh bien, écoutez, on va être obligé de rendre l'antenne. C'est vrai qu'on s'est fait une belle session house. On espère que vous avez apprécié cette petite sélecta de la part de toute l'équipe de Convergence. Et on va terminer avec deux rubriques. On va vous présenter le disque du mois. On va faire un focus sur le prochain album de S3A qui s'appelle Pages en anglais et qui va sortir au mois de mai. On va remercier au passage Data Musicalisme. Donc S3A, il n'hésite pas à expérimenter la house à la techno. Son dernier album est composé de 11 tracks. Et moi, je voudrais juste vous faire un focus sur le morceau Clarence G. Boudicker, qui est vraiment un morceau qui va vous faire danser entre un style de deep house à disco, voire disco classique. Et vous allez voir, donc c'est des petites sessions d'improvisation avec des vocales. C'est très dynamique. Et voilà, donc on vous laisse découvrir directement avec le dernier morceau. Et puis on terminera avec l'agenda des soirées. Let me know what it's worth. It just keeps it. Voilà, donc on espère que vous avez apprécié ce morceau de S3A sur le label Dirt Crew Recordings et qui sortira au mois de mai. On va terminer avec l'agenda. Donc on commence dès ce soir donc sur Lyon. Vous avez la soirée Les Boréales au Croiseur où vous pourrez voir le collectif Yuma. Vous avez également donc pour ce jour du Disquaire Day au Live Station à Lyon la soirée We Play Vinyl, donc la 32e édition. Donc venez vous initier au mix vinyle, voilà, sans prétention, hein. Donc c'est plaisir. Ensuite, vous avez la soirée Basalt 6 au Terminal. Ou si vous préférez, au sucre, vous avez la soirée de Pablo Valentino qui présente sa soirée Children of the Drum avec Bradley Zero et Lofty. Le lendemain, vous avez au sucre la soirée Sunset Society avec Tunnel Vision qui fête ses 6 ans. Et aux commandes, je vous en parlais la semaine dernière, il y a Terence Fixmer avec Ancien Methods en live et le résident à Stakan. La semaine prochaine, à partir du 18 avril, on pourra enfin assister à l'ouverture de Chromatique. Donc c'est ce lieu hybride donc, qui est à Lyon, qui vous proposera des ateliers artistiques, des galeries d'art, des salles d'événementiel et un bar. Et voilà, ils ouvrent enfin leurs portes qui étaient annoncées au mois de décembre 2018, donc 18 au 20. Le lendemain, le vendredi, vous avez la soirée Road to Family Picnic qui sera au Hasard et qui invitera donc Dirty Bird, donc l'artiste en représentant digne, hein, c'est Claude Van Strook, et qui sera accompagné de Justin Martin et Tom Pooks, le créateur hein, du festival Family Picnic de Montpellier. Donc on a hâte également de vous y retrouver et on aura la chance de les interviewer la semaine d'après. Donc gardez bien une oreille sur l'émission donc le samedi 20 avril. Toujours le même soir, vous avez la soirée Coup de Poker au Terminal qui invite Charlotte Bendix, donc la native de Norvège, à Tromsø, si vous connaissez, et qui sera alliée à Christian Coiffure de La Chinerie et Not Serious Big qui tourne beaucoup au Super 5. Et puis on va marquer le coup, bien entendu, avec le Festival Lyonnais qui se trouve depuis 14 éditions à la même période à Pâques. Donc c'est le Festival Répercussande qui sera au double mixte. Et vous retrouverez entre autres Hightone, Elisado Brasil et DJ Fly. Ça va être un super duo. Et également Paula Temple, Buzzy P, Nausea, Salut c'est cool. Et puis aussi un petit accent sur GFX, donc ancien Jarring Effect, hein, qui va fêter ses 20 ans de collaboration et puis d'activisme. Voilà, donc en fait, il y a encore plein d'artistes, donc on vous les laissera découvrir. Le samedi 20, donc vous avez sur Lyon donc la soirée Humergence hein, qui allie donc le collectif Yuma et le nôtre hein, Convergence. Donc on sera un plaisir de vous retrouver au Discret Lyon. Donc on vous attend. On en a terminé pour l'agenda. On espère que toutes ces dates vous auront donné plein d'idées pour sortir ces prochains jours, même ces prochaines semaines. Vous nous retrouverez la semaine prochaine, comme je vous ai dit, avec l'équipe du Family Picnic. Vous pourrez nous réécouter sur nos réseaux en streaming, hein, donc on vous le rappelle, Mixcloud Convergence ou le Spotify de Convergence. N'hésitez pas à le partager, on attend vos retours sur les podcasts hein, pour voir si ça vous plaît et quels axes on pourrait améliorer. On vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, salut. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.